Au sortir de l'archevêché, Fabrice courut chez la petite Marietta. Il entendit de loin la grosse voix de Giletti, qui avait fait venir du vin et se régalait, avec le souffleur et les moucheurs de chandelle, ses amis. La mamacha, qui faisait fonction de mère, répondit seule à son signal. « Il y a du nouveau depuis toi, » s'écria-t-elle. « Notre pauvre troupe, qu'on appelle Jacobine, a reçu l'ordre de vider les états de Parme. Et vive Napoléon !» Mais le ministre a, dit-on, craché au bassinet. Ce qui est sûr, c'est que Giletti a de l'argent, je ne sais pas combien, mais je lui ai vu une poignée d'écus. Marietta a reçu 5 écus de notre directeur pour frais de voyage jusqu'à Mantoue et Venise, et moi un. Elle est toujours bien amoureuse de toi, mais Giletti lui fait peur. En descendant l'escalier tournant de ce taudis infâme, Fabrice était plein de compunction. « Je ne suis point changé, se disait-il. Toutes mes belles résolutions, prises au bord de notre lac, quand je voyais la vie d'un œil si philosophique, se sont envolées. Mon âme était alors hors de son assiette ordinaire. Tout cela était un rêve et disparaît devant l'austère réalité. Ce serait le moment d'agir, se dit Fabrice, en rentrant au palais San Severina sur les 11 heures du soir. Mais ce fut en vain qu'il chercha dans son cœur le courage de parler avec cette sincérité sublime qui lui semblait si facile la nuit qu'il passa aux rives du lac de Côme. Je vais fâcher la personne que j'aime le mieux au monde. Si je parle, j'aurai l'air d'un mauvais comédien. Je ne vois réellement quelque chose que dans de certains moments d'exaltation. Le comte est admirable pour moi, dit-il à la duchesse, après lui avoir rendu compte de la visite de l'archevêché. J'apprécie d'autant plus sa conduite que je crois m'apercevoir que je ne lui plais que fort médiocrement. Ma façon d'agir doit donc être correcte à son égard. Il a ses fouilles de sanguigne, dont il est toujours fou, en juger du moins par son voyage d'avant-hier. Il a fait 12 lieues au galop pour passer 2 heures avec ses ouvriers. Si l'on trouve des fragments de statues dans le temple antique dont il vient de découvrir les fondations, il craint qu'on ne le lui vole. J'ai envie de lui proposer d'aller passer 36 heures à Sanguigne. Demain, vers les 5 heures, je dois revoir l'archevêque. Je pourrais partir dans la soirée et profiter de la fraîcheur de la nuit pour faire la route. La duchesse ne répondit pas d'abord. « On dirait que tu cherches des prétextes pour t'éloigner de moi, » lui dit-elle ensuite, avec une extrême tendresse. « À peine de retour de Belgirate, tu trouves une raison pour partir. » « Voici une belle occasion de parler, » se dit Fabrice. « Mais sur le lac, j'étais un peu fou. Je ne me suis pas aperçu dans mon enthousiasme de sincérité que mon compliment finit par une impertinence. Il s'agirait de dire « Je t'aime, de l'amitié la plus dévouée, etc., etc. » Mais mon âme n'est pas susceptible d'amour. N'est-ce pas dire, je vois que vous avez de l'amour pour moi, mais prenez garde, je ne puis vous payer en même monnaie. C'est là de l'amour. La duchesse peut se fâcher d'être devinée, et elle sera révoltée de mon impudence, si elle n'a pour moi qu'une amitié toute simple. Et ce sont de ces offenses qu'on ne pardonne point. Pendant qu'il pesait ses idées importantes, Fabrice, sans s'en apercevoir, se promenait dans le salon, d'un air grave et plein de hauteur, un homme qui voit le malheur à 10 pas de lui. La duchesse le regardait avec admiration. Ce n'était plus l'enfant qu'elle avait vu naître. Ce n'était plus le neveu, toujours prêt à lui obéir. C'était un homme grave et duquel il serait délicieux de se faire aimer. Elle se leva de l'ottomane où elle était assise et, se jetant dans ses bras avec transport, « Tu veux donc me fuir ?» lui dit-elle. « Non, » répondit-il, de l'air de l'empereur romain, mais je voudrais être sage. » Ce mot était susceptible de diverses interprétations. Fabrice ne se sentit pas le courage d'aller plus loin et de courir le hasard de blesser cette femme adorable. Il était trop jeune, trop susceptible de prendre de l'émotion. Son esprit ne lui fournissait aucune tournure aimable pour faire entendre ce qu'il voulait dire. Par un transport naturel et malgré tout raisonnement, il prit dans ses bras cette femme charmante et la couvrit de baisers. Au même instant, on entendit le bruit de la voiture du comte qui entrait dans la cour et presque en même temps lui-même parut dans le salon. Il avait l'air tout ému. « Vous inspirez des passions bien singulières, » dit-il à Fabrice, qui resta presque confondu du mot. L'archevêque avait ce soir l'audience que son Altesse Sérénissime lui accorde tous les jeudis. Le prince vient de me raconter que l'archevêque, Landriani, déclare qu'il était important pour l'église de Parme que Monsignore Fabrice Del Dongo fut nommé son premier vicaire général et par la suite, dès qu'il aurait 24 ans accomplis, son coadjuteur avec future succession.